Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. J'en jure par le jour de la résurrection. J'en jure par l'âme prompte à se blâmer. L'homme s'imagine-t-il que nous ne rassemblerons pas ses os? Que si nous sommes capables même de reconstituer tel quel le bout de ses doigts. L'homme préférerait poursuivre sa vie en rebelle et pervers. Il demande « À quand donc le jour de la résurrection ?» Puis lorsque l'œil sera hagard et que la lune se sera éclipsée, mais que le soleil et la lune auront été réunis, l'homme dira « Ce jour-là, où fuir ?» Non, il n'y aura point d'issue. C'est vers ton Seigneur que ce jour-là sera l'aboutissement. Et ce jour-là, l'homme sera informé de ce qu'il aura avancé comme acte et de ce qu'il aura renvoyé à plus tard. L'homme se dressera plutôt contre lui-même en témoin oculaire, quand bien même il invoquerait ses excuses. Ne le tourne pas plusieurs fois dans ta langue, pressé que tu es de le retenir. C'est à nous qu'il appartient de le rassembler dans ton cœur et ta mémoire, mais de te le faire lire. Lorsque nous le lisons, suis-en la lecture. Puis, il nous appartient de l'expliquer. Non, vous aimez plutôt la vie fugace, et vous négligez la vie de l'autre monde. Ce jour-là, des visages seront épanouis, qui contempleront leur Seigneur. Et ce jour-là, d'autres visages seront livides, s'attendant à courir un terrible péril. Non, quand l'âme à l'agonie aura atteint les clavicules, et qu'il sera demandé quel exorciste peut la sauver, et que l'agonisant aura réalisé que le moment de la séparation est arrivé et que ses deux jambes se seront croisées. C'est vers ton Seigneur, alors, qu'il sera acheminé. Il n'a cru ni prié, mais il a nié le message et s'est détourné de la foi. Puis il s'en est allé, fier et heureux, vers sa famille. Malheur à toi, sur malheur. Puis malheur à toi, sur malheur. L'homme s'imagine-t-il qu'il n'aura pas de compte à rendre? N'a-t-il pas été une simple goutte de sperme éjaculée, puis une petite masse de sang, coagulée qu'Allah a par la suite créée et façonnée? Il en a fait alors le couple, le mâle et la femelle. Celui qui a pu faire cela ne serait-il pas capable de faire revivre les morts?